Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous poursuivons et terminons notre série « Lumière sur le Moyen-Âge » par une émission sur l'histoire des émotions dans l'Occident médiéval. Damien Bocquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire du Moyen-Âge à l'Université Aix-Marseille 1 et auteur avec Piroshka Nagy d'un ouvrage captivant qui s'intitule « Sensible Moyen-Âge, une histoire des émotions dans l'Occident médiéval » paru aux éditions du Seuil. Laissez-moi pour commencer lire les deux premières phrases de votre livre. Que reste-t-il des joies et des peines des hommes et des femmes du Moyen-Âge? Les éclats de rire, les gémissements, les cris ne dressent pas de monuments, et pourtant, ils les habitent de leurs échos. Comment vous est venue cette idée d'écrire une histoire des émotions au Moyen-Âge? C'est une très très longue histoire. En fait, c'est notre parcours d'étudiants, Piroshka et moi, nos jeunes années d'étudiants. On était fascinés par cette question des émotions, elle par l'histoire des larmes et moi par la question de l'affectivité des moines. En fait, j'ai travaillé sur la question de l'amitié monastique, qui était en plus perçue à cette époque dans un contexte assez particulier d'une histoire de l'homosexualité. Et en même temps, on voyait bien que c'était pas de cela qu'il s'agissait, qu'il y avait vraiment une question de lien affectif à l'intérieur du monastère, qui avait une fonction religieuse, une fonction d'organisation. Et donc le meilleur moyen peut-être de se pas laisser piéger par un certain nombre de biais contemporains a été pour moi de revenir aux fondamentaux de la conception de la vie affective de ces gens. Et donc de travailler sur les représentations, la conception des émotions. Et moi j'étais parti dans cette direction, et à la fin des années 90... Piroshka et moi, on s'est rencontrés, on a découvert qu'on travaillait en fait sur des sujets propres, et là, on s'est mis à travailler ensemble, et c'est une histoire qui dure depuis 20 ans, quoi. Et alors, cette histoire qui dure depuis 20 ans, vous avez l'impression que quand vous avez commencé à travailler là-dessus, c'était quelque chose de très nouveau? Oui et non. Alors, ce qui n'était pas nouveau, c'était l'histoire des sensibilités, quand même. C'était vraiment l'époque du développement de l'histoire des sensibilités autour d'Alain Corbin, et donc il y avait tout un mouvement, comme malgré tout. L'histoire du genre, l'histoire des femmes, et donc qui dit histoire des femmes dit aussi, moi c'est ce qui m'intéressait, de commencer une histoire des hommes, comment on fait une histoire des femmes, c'est-à-dire de considérer que c'est pas quelque chose de naturel et d'évident d'être un homme, la virilité, ça s'invente. Et donc il y avait quand même tout cet environnement qui existait, mais pas pour la question des émotions. Et c'est justement ça qui nous a vraiment déroutés, c'est-à-dire que les émotions étaient considérées comme des choses un peu évidentes. Il y avait une espèce de nomenclature acquise, il y avait la peur, la colère, la honte, et puis tout le monde savait à peu près ce que c'était. À la limite, on les mettait en contexte. On voyait au moment où les populations avaient peur à cause de la peste. Mais on ne questionnait pas la peur comme une émotion qui pouvait évoluer dans l'histoire. C'est-à-dire que l'émotion elle-même pouvait se transformer. Voilà. Alors non seulement l'émotion, les sensations, les sensibilités pouvaient se transformer, mais en plus, la vision qu'on en avait au début du siècle était une vision assez étonnante. Je vous propose d'écouter un extrait. Nous ne pouvons guère nous faire une idée de l'extravagance et de l'émotivité médiévale. Si l'on ne se base que sur les documents officiels, quelque dignes de foi qu'ils puissent être, on se fait du bas Moyen-Âge une représentation à laquelle manque un élément important. La violente passion qui anime les princes et le peuple. Sans doute, un élément passionnel règne aujourd'hui encore dans la politique, mais il est tenu en respect par le mécanisme compliqué de la vie sociale. Au Moyen-Âge, au contraire, il pénétrait librement la politique et parfois renversait les plans les plus utiles et les plus rationnels. La vie était si violente et si contrastée qu'elle répandait l'odeur mêlée du sang et des roses. Les hommes de cette époque, des géants à tête d'enfant, oscille entre la peur de l'enfer et les plaisirs naïfs, entre la cruauté et la tendresse. Dédain absolu des joies de ce monde ou fol attachement aux jouissances terrestres, haine ou bonté, ils vont toujours d'un extrême à l'autre. Alors nous venons d'écouter un extrait de l'automne du Moyen-Âge, un livre paru pour la première fois en 1919 sous la plume de l'historien néerlandais Johan Huizinga, où il explique que l'émotivité médiévale, c'est une émotivité complètement irrationnelle et infantile. Oui, oui. Alors déjà, il faut quand même souligner que Johan Huizinga est un des tout premiers historiens à considérer que l'émotion, enfin, est vraiment importante dans l'histoire. Et donc, elle doit être considérée comme quelque chose de fondamental. Ça, c'était quasiment inouï. Michelet également était un petit peu dans cet état d'esprit, mais on est à contre-courant d'une histoire scientifique, dite sérieuse, qui devait être politique, militaire, et donc très très rationnelle dans l'esprit. Donc Huizinga, d'un côté, légitime l'émotion comme objet d'histoire, mais en même temps, d'emblée, il l'inscrit dans une espèce de récit de l'histoire de la civilisation occidentale qui irait depuis le Moyen-Âge, où les hommes et les femmes étaient incapables de réfréner leurs émotions, avaient un rapport spontané, infantile. Et puis bien sûr, on voit derrière tout un grand récit qui est en train de se mettre en place, avec la conscience éthique à la Renaissance, les Lumières et donc l'émergence de la raison. Donc même si ce n'est pas un récit très nécessairement positif et optimiste, il y a quand même cette idée d'une grande narration. Et en plus, qui a été validé, amplifié par Norbert Elias, c'est la notion de processus de civilisation, alors qu'il va mettre du temps à pénétrer le monde des historiens, notamment seulement à partir des années 1970. Mais au final, on a cette histoire de l'Occident qui s'inscrit un peu en parallèle d'une histoire d'un individu qui passerait d'un stade infantile et puis voilà, une adolescence et un âge adulte. Et bien sûr, nous, on voyait comme médiévistes travaillant sur les sources que ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne pas du tout parce qu'il y a une rationalité des émotions au Moyen-Âge, il y a une finalité dans l'usage des émotions, une finalité sociale, une finalité personnelle, spirituelle, une ritualisation, et donc il y a une construction très très complexe. Oui, on a l'impression, l'automne au Moyen-Âge, ça date de 1919, oui. On a l'impression, à la description des émotions qui est faite par Huizinga, qu'on est vraiment dans cette espèce de Moyen-Âge obscurantiste, où il parle de l'odeur du sang partout. Oui. Alors, ce qui est fascinant chez Huizinga, c'est que c'est pas du tout une vision obscurantiste, c'est vraiment une vision flamboyante, c'est-à-dire d'une civilisation qui est en déclin. C'était le premier titre de l'ouvrage qui a été rectifié parce que le titre d'automne, mais justement c'est l'automne aussi parce que ce sont les couleurs flamboyantes de l'automne. Et donc en même temps, Huizinga dit que c'était une époque de prolifération de l'émotion et qui fonctionnait d'une certaine façon, qui a fini par s'épuiser dans un formalisme, parce que ce qui marchait par exemple à l'époque féodale est devenu étiquette, est devenu spectacle, est devenu masque. Mais ce n'est pas du tout justement chez Huizinga l'idée d'un Moyen-Âge obscur. Ou en tout cas, s'il a quelque chose de sombre, c'est sombre comme le crépuscule devient sombre et en même temps il est porteur, voilà, de toute la chaleur du jour qui s'éteint. C'est vraiment une vision fin de siècle en fait. C'est un homme qui est profondément marqué par le symbolisme de la fin du 19e siècle, par des auteurs comme Huysmans. Et donc on voit bien qu'il est porteur de cette image-là. Et c'est aussi parce que c'est une vision complexe que porte Huizinga qu'elle a autant fasciné les historiens. Même si aujourd'hui, nous historiens des émotions, on peut pas suivre Huizinga, d'une certaine façon, on est les plus malheureux du monde parce qu'il développe une image du Moyen-Âge qui est absolument superbe, quoi. Et alors, en tant que historien des émotions, justement, vous avez essayé de revenir à la source et votre livre commence par ce que vous appelez la christianisation des affects. Oui, bien sûr, parce que... D'ailleurs, avant de parler de ça, quel mot il faut employer? Parce que vous parlez de ça aussi. À quel moment on parle d'affect, d'émotion, de sensibilité? Alors, déjà, il faut dire que le mot émotion n'existe pas au Moyen-Âge. Et même, il n'y a pas vraiment de décalque latin, un substantif qui serait un décalque de notre émotion. Le mot émotion, dans les langues vernaculaires, apparaît à l'extrême fin du Moyen-Âge, au 15e siècle, et n'a pas du tout le sens de mouvement intérieur, individuel que nous lui attribuons. Ça a le sens vraiment de mouvement collectif. De troubles forts, d'émeutes, de révoltes. Et donc déjà, c'est pas le vocabulaire qui est attribué. Et les médiévaux, comme dans l'Antiquité, en contrepoint, ont plusieurs termes pour qualifier ce registre, en fait. Et le registre qu'ils emploient est essentiellement un registre du mouvement de l'âme. Donc ils vont parler de motus animi, de mouvement de l'âme, d'affectus, effectivement, qui renvoie à cette idée à la fois d'une âme qui est affectée, mais parce qu'elle est affectée, elle se projette dans mille directions. Donc ça garde l'idée du mouvement aussi. Toujours l'idée du mouvement, même le terme de passio, en fait, le passio, bien sûr qu'il y a un stade passif de la réception, mais le terme de passio renvoie eh bien, à la sollicitation extérieure qui va mettre l'âme en mouvement. Et le terme privilégié par les auteurs lettrés depuis la fin de l'Antiquité jusqu'au XIIIe siècle au moins, c'est vraiment affectus. Et c'est par ça que vous commencez. Vous commencez par cette première étape qui vous paraît absolument fondamentale dans cette histoire des émotions de l'Occident médiéval, qui est la christianisation des affects. Oui, bien sûr, parce que en fait, tout va venir de là, et c'est une christianisation qui est à la fois dans la continuité de la philosophie antique, parce que les premiers auteurs christianisés, en fait, sont des philosophes qui baignent dans le même bain culturel que les philosophes non chrétiens. Donc à la fois, ils sont imprégnés par cette culture, par cette philosophie, notamment par le stoïcisme qui va avoir un poids très très important. Mais par ailleurs, ils tiennent absolument à se démarquer sur un certain nombre de points qui pour eux sont totalement aberrants, et notamment par rapport aux Écritures, à l'Ancien et au Nouveau Testament. Cette démarcation, elle se joue évidemment autour de la question d'un Dieu sensible ou non. Et dans le christianisme, c'est particulièrement intéressant puisqu'il y a une incarnation. Il y a une passion du Christ. Il y a un Dieu fait homme qui, du coup, a des affects. Ça joue un rôle immense. Oui. Alors, il y a déjà aussi un Dieu de l'Ancien Testament qui a des affects. Oui, qui est le Dieu colère. Exactement. Alors, c'est aussi le Dieu de miséricorde, le Dieu qui a pitié de son peuple, mais c'est le Dieu de colère. Et ça, par exemple, c'est aberrant pour les écoles philosophiques de la fin de l'Antiquité, pour les stoïciens, pour les épicuriens. Un Dieu qui est en mouvement, ça ne tient pas. Or, en plus, chez ces auteurs, si Dieu est en mouvement, c'est donc qu'il a des émotions, les deux vont complètement ensemble. Et donc il y a à la fois le Dieu de l'Ancien Testament qui règne par l'émotion notamment, par la colère, et puis bien sûr il y a le Christ. Il y a le Christ dont l'incarnation même implique le fait qu'il ait des émotions et des passions, jusqu'à ce que l'acte de sacrifice du Fils de Dieu lui-même passe par la passion elle-même, c'est-à-dire par la souffrance. Je vous propose d'écouter un extrait de Ben-Hur de William Wyler. Ayez pitié d'un aveugle. Ayez pitié d'un aveugle. Pourquoi les rues sont-elles désertes? Tout le monde est au procès. Ayez pitié d'un aveugle. Quel procès? Celui du jeune rabbin de Nazareth. Ils veulent sa mort. C'est impossible. La charité. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout, sans doute. Personne ne veut donc venir à son aide. Dans sa souffrance, ce regard de paix. Il m'a donné de l'eau et le courage de vivre. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Il a accepté de prendre sur lui tous nos péchés. C'est pour cela qu'il dit qu'il est venu au monde, pour cette fin, ce commencement. Alors on a l'impression qu'il y a vraiment deux moments. Il y a, comme vous dites, le Dieu de l'Ancien Testament, et l'homme a quand même été fait à son image. Donc si Dieu a des affects, des émotions, il est naturel que l'homme en ait. Et il y a ce deuxième moment qui est le moment de l'incarnation, avec Jésus-Christ l'homme, qui, on le sait en lisant les évangiles, a aussi des affects qui sont extrêmement sérieux, puisqu'il vit en sa chair la souffrance, mais aussi l'amour. Comment se passe l'articulation un peu de ces deux moments? Oui, alors c'est quand même deux moments très distincts, parce que dans l'Ancien Testament, du moins pour les auteurs, bien sûr, les émotions de Dieu ne sont pas du tout comparables aux émotions de l'homme. C'est-à-dire que la colère de Dieu n'est pas une passion telle que l'homme peut en ressentir. La colère de Dieu, par exemple, est considérée comme un acte de justice. En fait, on considère que Dieu manifeste par un comportement, des actes de gouvernement qui ressemblent aux émotions des hommes, de façon à ce que les hommes comprennent de quoi il s'agit. Mais bien sûr que ce n'est pas un Dieu qui est sensible aux passions. C'est très différent. Ça fait une différence immense. Ça fait une différence absolument immense, parce que, oui, bien sûr. Et donc, la colère de Dieu n'est pas une passion. Et c'est comme ça notamment que les auteurs chrétiens de la fin de l'Antiquité répondent à leurs contradicteurs stoïciens, épicuriens, qui leur disent « mais c'est un dieu faible finalement, puisque c'est un dieu de passion, il vaut pas mieux que les dieux du Panthéon qui se mettent en colère, qui sont instables, qui sont jaloux », et eux disent « non, non, c'est pas du tout la même chose, voilà, ce ne sont pas des passions humaines ». C'est très différent, bien sûr, en revanche, avec l'incarnation, puisque de fait, là désormais, Dieu accepte, mais c'est une forme d'abaissement, d'aller jusqu'à la condition de l'homme et de ressentir les émotions comme l'homme. Si ce n'est qu'il y a une grande différence, c'est que le Christ, donc Dieu incarné, choisit de ressentir ses émotions. Toutes ses émotions sont strictement volontaires, et donc ce qu'il fait, par exemple, qu'il ne ressent aucune émotion mauvaise. Et si lui ressent de la colère contre les marchands du temple, par exemple, c'est un acte de volonté là aussi. Et donc il y a quand même une analogie. C'est encore un acte de justice. C'est encore un acte. C'est une autre forme d'acte de justice, mais qui passe cette fois quand même par la passibilité telle que l'homme peut la ressentir. Mais c'est une acceptation malgré tout. Alors vous dites que c'est très intéressant. Ça serait une espèce de preuve de faiblesse de ressentir donc des affects. À l'époque, et c'est vrai, c'est quand même une idée qui est charriée par une certaine philosophie grecque, il faut se détacher au maximum des affects, il faut rechercher justement de s'en éloigner le plus possible. Oui, alors les auteurs chrétiens de la fin de l'Antiquité ont un discours assez complexe sur ce point-là, c'est-à-dire que par exemple, ils vont refuser tout le discours qui fait des émotions, des maladies de l'âme, des perturbations du jugement. Pour eux, un petit peu d'ailleurs comme les aristotéliciens, disent-ils, les émotions font partie de la nature humaine. Et donc ce ne sont pas des événements extérieurs dont on peut se débarrasser, ils sont constitutifs de la nature de l'homme. Et puisque l'homme est une création de Dieu, c'est donc que les émotions comme telles, en tout cas la capacité à ressentir, à vivre les émotions, c'est une bonne chose. Et notamment les théologiens latins, c'est beaucoup moins net chez les théologiens grecs, donc de la partie orientale de la Méditerranée, mais les théologiens latins, saint Augustin en tête, ne voient pas l'intérêt de l'apathie par exemple, c'est-à-dire le fait de se débarrasser totalement des émotions, et ils considèrent que ce n'est pas du tout quelque chose d'accessible sur Terre. Donc ils ont à la fois une vision d'une certaine façon positive des émotions parce que la capacité d'en ressentir est le résultat de la création divine, mais en même temps il y a cette catastrophe, et notamment qui est pensée par la génération de saint Augustin, Ambroise, Jérôme, il y a cette catastrophe du péché originel qui va introduire la question des émotions dans une autre narration. C'est-à-dire depuis le péché originel, la volonté de l'homme ne se domine plus elle-même complètement. L'homme est d'une certaine façon tiraillé, blessé, brisé à l'intérieur de lui-même. Et donc les émotions sont aussi le théâtre de cette brisure. Elles sont aussi partagées entre un versant spirituel bon, qui font des émotions une sorte d'ascenseur vers la vertu, mais également la volonté est tournée vers les choses terrestres, et là les émotions peuvent devenir des vecteurs vers le vice. Et donc il y a cette dualité, une émotivité qui est bonne, dont il ne faut pas se débarrasser, qui est la condition même de l'humanité, mais un usage des émotions dont il faut se méfier terriblement, parce que ça peut nous conduire à la catastrophe. Et alors comment on discrimine dans ce cas-là parmi les émotions? Il y a de bonnes émotions en soi et de mauvaises émotions en soi, ou une même émotion peut avoir un bon et un mauvais versant? On est beaucoup plus dans cette logique-là. Quelques émotions sont négatives dans tous les contextes, comme l'envie par exemple. Mais la quasi-totalité des émotions, c'est ce que dit Augustin, les émotions ne valent pas par elles-mêmes, voire elles ne valent pas vraiment par leur intensité, mais par l'objet qu'elles visent. Et donc, si l'objet visé est bon, c'est-à-dire que si c'est la vertu, si c'est un objet spirituel, alors l'émotion sera bonne, y compris d'ailleurs des émotions véhémentes, y compris dans certains contextes des émotions dangereuses comme la colère, et à l'inverse, si le bien visé est mauvais, charnel, terrestre, même la plus petite émotion, le début d'aiguillon de l'émotion peut être déjà un péché qu'il faut fuir absolument. Donc ça veut dire qu'il y a, dès ce moment-là, une sorte de contrôle des émotions qui doit s'imposer. Oui, oui, complètement. Alors, qui est en partie hérité également de la philosophie ancienne, c'est pour ça qu'on a une espèce de feuilletage. Et donc, la logique, par exemple, de la modération des émotions, la métriopathie qui vient d'Aristote, demeure dans le christianisme. Et donc, il y a cette nécessité du contrôle des émotions, de les conserver sous le contrôle de la volonté et de la raison. Mais ça ne veut pas dire contrôle, et même modération ne veut pas dire toujours écraser les émotions. Oui, c'est-à-dire que c'est pas du tout, pour le coup, la position stoïcienne, qui est de dire pas d'affect du tout. Exactement, oui, oui. Ça veut dire que dans certaines circonstances, il faut adapter les émotions à la fin et aux circonstances. Et donc, on a une espèce de nomenclature, une multiplicité de possibilités, où dans un contexte, une petite émotion toute minime sera déjà considérée comme quelque chose de grave. Et par exemple, si l'homme est confronté à une justice énorme, eh bien, il est normal qu'il se mette terriblement en colère. Mais c'est une colère contrôlée par rapport à la qualité de l'objet qui donc est visé. Donc il y a une forme de proportionnalité quasiment. On est plus, je crois, voilà. Il y a malgré tout quand même cette méfiance, parce que n'oublions jamais la question du péché. Et donc le péché introduit une espèce de méfiance constante, il faut se méfier malgré tout des émotions. Mais dans la logique de la modération, on est plutôt dans une perspective de la juste proportion. Alors, ce que vous dites est d'autant plus passionnant, puisque Saint-Augustin, vous en parlez, Saint-Augustin en parle de la chute de l'homme, du moment où Ève va goûter à l'arbre de la connaissance, et la première émotion, on pourrait dire, le premier affect qui atteint l'homme et la femme, c'est la honte, oui. Au moment où ils sont découverts. Oui. Oui. Alors, vous avez parlé de cette importance, hein, de ce moment de rupture quasiment dans les émotions que constitue le péché originel. Comment est-ce que ça se matérialise ? Alors ça se matérialise par cette méfiance dont je vous parlais. Augustin dit par exemple que les émotions pour lui sont des mouvements de la volonté. Et donc dans toute émotion, il y a une part de volontaire, une part de responsabilité donc. D'un côté, ça signifie que les émotions sont dans l'ordre du rationnel. Mais à cause du péché originel, la volonté est brisée. La volonté ne s'appartient plus à elle-même. Ce qui veut dire que on ne sait jamais exactement dans quelle direction notre volonté nous conduit. Et donc vous avez à la fois une espèce d'obligation de surveillance permanente de l'homme par rapport à ses émotions. D'un côté, c'est par ses émotions que l'homme fait son salut ou se perd. Et donc il doit en user, il n'a pas le choix. Parce que c'est sa nature, il doit le faire parce que c'est la condition de son salut, et en même temps, il risque d'être trompé par lui-même constamment. D'où aussi ce qu'il y a de très très fort dans le christianisme, et notamment qui va se développer dans le monachisme, c'est cette obligation de l'auto-examen dont parlera Michel Foucault. C'est-à-dire qu'il faut constamment enquêter sur soi-même, et dès qu'une petite émotion apparaît, savoir où elle va. On peut vraiment se poser la question, est-ce qu'il y avait des émotions dans le jardin d'Éden, avant la chute? Est-ce qu'il y aura des émotions dans le royaume? Tout ça, ce sont aussi des vraies questions théologiques. Ah, bien sûr, oui, et que les auteurs se posent ce genre de questions jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Alors, la réponse un peu type, c'est que, bien sûr, dans le jardin d'Éden, il y avait des émotions, mais elles étaient en parfaite conformité avec la volonté. Oui, c'était l'harmonie, en fait. C'était exactement la même chose, dit Augustin, par rapport au désir sexuel. Il y avait sexualité, mais une sexualité volontaire, une sexualité sans désir subi, et donc une sexualité non concupiscente. Et donc de la même façon, volonté et émotion se confondaient complètement. Après le péché, on est dans une espèce de trouble permanent, pour le meilleur et pour le pire. Et la question des émotions au paradis, y compris d'ailleurs des émotions de Dieu et de Jésus lui-même. Les scolastiques, par exemple, vont se poser cette question. Est-ce que Jésus, au paradis, continue d'avoir des émotions? Par exemple, est-ce qu'il continue d'être triste face au malheur des hommes et au péché des hommes? Et la réponse qu'ils fournissent, enfin une des réponses qu'ils fournissent, c'est de dire oui, bien sûr, Jésus continue d'être triste, mais en revanche, il n'a plus les caractéristiques physiques de la tristesse. Et donc, Dieu au paradis peut être triste, il peut être en colère, mais il ne peut pas verser de larmes. Donc il n'y a pas de physicalité et non. De l'émotion. Bien sûr, non, pas sous cette forme-là. Non. Et alors comment est-ce qu'on interprète à ce moment-là, puisque évidemment la Bible, les évangiles jouent un rôle très très fort dans les constitutions des consciences et dans les constitutions psychologiques, le fait que la première émotion de l'homme soit la honte justement. comment je l'interprète, je l'interprète comme les auteurs eux-mêmes l'interprètent. C'est-à-dire que, alors d'abord, il y a le support quand même du texte biblique. Mais il ne faut pas oublier que il n'y a pas qu'une émotion. C'est pas la première. Il y a deux émotions qui sont simultanées. C'est la concupiscence, dit Augustin, c'est le désir et la honte. Et donc, vous avez ce jeu permanent, en fait, de balancement. Enfin, d'ailleurs, c'est la nudité dans le texte, si on lit juste le texte. Si on lit juste le texte, c'est effectivement la nudité. Mais qui peut très bien rassembler les deux, en fait. Et en plus, nous, quand on est médiéviste, le texte, d'une certaine façon, de la Bible, il n'existe jamais en dehors des interprétations qui en sont faites. Et donc, moi, en tant que médiéviste, je perçois le texte biblique, notamment à travers ce que peuvent en dire les auteurs, et en particulier, bien sûr, Augustin, qui joue un poids considérable. Et donc, c'est notamment Augustin, pas lui seul, mais qui lie effectivement nudité, honte, concupiscence, alors créant en plus une espèce de schéma extrêmement dur, parce que qui met la sexualité au cœur de tout cela. Mais en tout cas, ce qui est important à prendre en compte, c'est que c'est pas seulement la honte, c'est la honte et la concupiscence. Ce qui veut dire que la honte permet de contrebalancer la catastrophe de la concupiscence. Parce que la concupiscence, c'est la totalité des désirs charnels. C'est pas seulement la sexualité, ce serait beaucoup trop simple. Finalement, la sexualité, c'est presque un problème mineur. La catastrophe, c'est lorsque l'homme baisse les yeux vers la terre. S'il n'y avait que la concupiscence, le salut ne serait pas possible. Par la honte est une espèce de prise de conscience de la catastrophe de la concupiscence. Et donc, il y a chez Augustin et chez ses auteurs, ce double registre que la honte est à la fois le symptôme de la catastrophe et en même temps c'est la condition du rachat. C'est vraiment l'émotion de la conscience, l'émotion de la conscience de soi. Et alors justement, elle est logée où, cette émotion ? Ces émotions, elles sont logées où ? C'est un effet de l'âme ou un effet du corps ? Alors, tout dépend du type de discours auquel on a affaire, parce que là aussi, les médiévaux sont assez géniaux pour séparer les discours et après les mélanger, mais en même temps les mettre dans des canaux assez stricts. Pour les théologiens, pour les philosophes, il est très très clair que les émotions sont des mouvements de l'âme. Et notamment, c'est massif chez Augustin. Le corps intervient, mais le corps intervient presque comme une espèce de prolongement de l'âme. C'est l'âme qui décide de tout, c'est l'âme qui est responsable de tout. Oui, c'est-à-dire que même la concupiscence naît dans l'âme et ensuite se propage dans le corps. D'une certaine façon, le corps, à la limite, a une fonction de stimulation. Voilà. Il peut frapper à la porte de l'âme, mais c'est l'âme qui met en branle le mouvement de l'émotion. Et l'âme seule qui est responsable. C'est pas du tout la même chose dans le discours médical, par exemple, qui est hérité, là encore, de l'Antiquité. Et qui traverse le Moyen-Âge et qui, en plus, qui ressurgit de manière très très vive dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, avec Avicenne notamment, enfin les traductions arabes. Oui, ça vous l'expliquez, il y a une sorte de tournant au XIe siècle. Ah, très très fort, un tournant qui est massif et qui intervient dans plusieurs domaines, dans ce retour du corps notamment. Alors qui vient à la fois de l'aristotélisme, qui vient un petit peu plus tard, à la fin du XIIe siècle, qui vient de la médecine, donc qui va localiser, c'est vrai, les émotions dans le corps, qui va leur donner des sources dans les organes, le foie, le cœur, en plus tout ça est lié à la théorie des humeurs, à la théorie des tempéraments, bien sûr, à la complexion colérique, phlegmatique. Et donc, tout ça se mêle et finit par pénétrer le discours théologique lui-même, qui crée une espèce de synthèse d'une émotion qui, à partir du XIIe, XIIIe siècle, devient pensée comme un mouvement psychosomatique, un mouvement de l'âme et du corps simultanément. Et chez un auteur comme Abélard, par exemple, au XIIe siècle, il va y avoir aussi, vous parlez de cette rupture qui est très intéressante, une différenciation faite entre justement désir et volonté. C'est-à-dire qu'on peut subir quelque part une émotion. Ce qui est important, c'est de ne pas céder. Oui, oui. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'est de voir qu'il y a une espèce de remise en cause d'une partie importante de la patristique, donc de toute cette théologie de la fin de l'Antiquité, qui intervient en fait avant les traductions arabes, avant la grande redécouverte d'Aristote, comme s'il y avait une demande intérieure, si vous voulez, à partir de la fin du XIe siècle, concernant notamment ce poids terrible du péché originel. C'est une question quand même qui est une question extrêmement importante, particulièrement dans les milieux monastiques. C'est-à-dire, est-ce que c'est grave, par exemple, de vouloir manger de la viande en moment de carême ou est-ce que c'est grave d'en manger? Enfin, est-ce qu'on peut annihiler en soi toute envie? Ou est-ce que ce qui est important, c'est de ne pas céder à l'envie? Exactement. Alors, c'est surtout important de savoir à quel point on pêche lorsqu'on désire manger de la viande, lorsque c'est pas le moment d'une certaine façon. Et comme vous le disiez, ce qui est vrai, c'est que dès l'extrême fin du XIe siècle, on trouve l'idée d'une séparation, voilà, de la volonté et de l'émotion, en tout cas de l'émotion au moment où elle surgit. Et tout cela se fait dans un apparent respect de l'autorité augustinienne. Jamais on va dire, ben moi je pense différemment d'Augustin, au contraire, on va dire comme le disait Augustin, et en réalité on voit que la sphère de la volonté, qui impliquait une responsabilité native, qui est absolument terrible. C'est-à-dire qu'on n'échappe à aucun moment à la responsabilité morale. On voit chez des gens comme Anselme de Canterbury, comme Abélard, mais aussi chez des moines cisterciens, cette idée selon laquelle les émotions, au moment où elles arrivent, au moins au départ, elles sont neutres. C'est quelque chose de naturel. Et c'est seulement si on se laisse éventuellement glisser sur la pente d'une mauvaise émotion, c'est-à-dire qu'on ne fait pas intervenir la volonté et le contrôle de la raison, c'est seulement à ce moment-là qu'on devient véritablement responsable et complètement pécheur. C'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment l'objet de l'émotion, l'objet vers lequel l'émotion est tournée, qui va déterminer si l'émotion est bonne ou mauvaise. Bien sûr, prioritairement, c'est toujours cette logique-là. Ce qui est nouveau, c'est qu'on pense l'émotion, l'émotivité, comme une puissance de l'âme distincte. Et donc, il y a une forme de naturalisation. Et c'est pas par hasard que il y a un retour de l'incorporation de l'émotion au moment où il y a une forme de naturalisation. Et en même temps, c'est vrai, il y a une forme de neutralisation au sens d'une valeur morale neutre dans le premier stade. Et des gens comme... Alors, Abélard va un petit peu loin quand même, d'une certaine façon. Ça lui posera d'ailleurs quelques soucis, parce que lui-même ira jusqu'à dire, reprenant un exemple célèbre, désirer la femme d'autrui, c'est pas un péché si vous ne vous laissez pas aller à ce désir. C'est-à-dire que si ce désir ne devient pas délectation, comme il dit, c'est-à-dire que si on ne se complaît pas dans ce désir, et encore moins qu'on ne cherche pas à le mettre en exécution, eh bien, le mouvement premier, comme disent les auteurs, n'est pas un péché. Ou alors disent-ils, c'est un si petit péché que c'est comme s'il n'existait pas. À partir d'un moment surtout, on commence à avoir un discours, un véritable discours sur les émotions, et même une certaine science des émotions, dont on ne pourrait pas dire que c'est une psychologie, mais néanmoins quelque chose qui s'en rapproche. Oui, bien sûr, et je crois aussi qu'on peut dire que c'est une psychologie, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a une science des émotions qui est à la fois une anthropologie des émotions, une théologie des émotions, et il y a également une part qu'on pourrait qualifier de psychologie des émotions. C'est-à-dire que, à partir de la fin du XIe siècle, les auteurs s'intéressent vraiment de façon systématique à comprendre comment ça marche. Et c'est même d'ailleurs ça, moi, qui m'a intéressé en priorité. C'est-à-dire de voir la façon dont ils questionnaient eux-mêmes leurs propres émotions et comment elles fonctionnaient. Et qu'est-ce qu'ils disent justement de comment elles fonctionnent, ces émotions? Oula, ils s'intéressent, par exemple, ils vont s'intéresser à cette question de la distinction entre ce qu'ils appellent le mouvement premier de l'émotion et l'émotion elle-même, c'est-à-dire cette première phase où on ressent le premier choc de l'émotion. Et là, est-ce qu'on en est responsable ou pas? Quel rôle a la raison à ce moment-là? Alors bien sûr, pour ces auteurs, la perspective, elle est toujours la question du péché. Et donc eux, leur souci, c'est de savoir à partir de quand il y a risque de péché, et notamment lorsque l'émotion est orientée dans une mauvaise direction. Et donc ils vont construire un discours par rapport au mouvement de l'âme. Ils se posent la question également du rôle du corps. Quelle est la place du corps? Quelle est la place des humeurs? Et ça veut dire aussi, est-ce qu'on peut intervenir sur sa personnalité émotive en jouant sur l'équilibre des humeurs? Et dans les témoignages qu'on a, parce que j'imagine que vous n'avez pas seulement travaillé sur la manière dont justement le Moyen-Âge se raconte sur les émotions, mais aussi les émotions qui sont racontées, dans quelles sources vous êtes allé puiser? malheureusement, dans quelle source n'ai pas encore été puisé, parce que c'est ça qui est aussi impressionnant dans le côté un peu tardif de la prise en compte des émotions par les historiens, en tout cas tardif de façon systématique et organisée. C'est que les émotions sont absolument partout. Elles sont pas seulement dans les sources théoriques. Elles sont dans toutes les sources religieuses, les sermons, les traités. Elles sont dans les chroniques, dans les histoires. Elles sont dans les images. Elles sont représentées dans l'histoire de l'art. Elles sont dans les sources dites de la pratique. Elles sont dans les actes de chancellerie. Lorsque un prince commence en disant, ben voilà, sur peine d'encourir mon indignation. Donc il met à la menace, il fait peser cette menace. Elles sont présentes dans les procès, les restitutions de procès, les lettres de rémission, les témoignages lors des procès, où les personnes qui sont mises en accusation racontent leur colère, leur humiliation, demandent pitié. Et donc elles sont absolument partout. C'est une société, de toute façon, où la vie émotive a pleinement sa place dans la vie publique et intime et sur toute la chaîne. Et c'est ça aussi qui a dérouté les historiens. Et c'est peut-être pour partie notre incapacité à user des émotions, et notamment dans la vie publique. Bon, en tout cas, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors que le Moyen-Âge utilise toute la palette des émotions dans tous les champs de la vie sociale. Oui, et d'ailleurs, on voit même très bien, avant le Moyen-Âge, dans l'Antiquité, le rôle que jouent les émotions, comme vous dites, dans la politique, dans l'espace public. Et alors, s'il fallait quand même essayer justement d'apporter une contradiction à ces auteurs début 20e qui considèrent que l'homme moyenâgeux est un homme aux émotions extrêmement infantiles, comment est-ce qu'on pourrait dessiner cet homme moyenâgeux ou cette femme moyenâgeuse? Quel est son rapport à ces émotions? Parce qu'on s'interroge là-dessus. Quand vous étudiez toutes ces sources, est-ce que vous vous identifiez? Est-ce que vous avez l'impression d'une humanité finalement très différente? Ou très différente sur certains points et très proche sur d'autres? Il y a toujours ce mélange de familiarité et de distance. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus l'altérité, moi, qui me fascine. Et à l'inverse, dès que je ressens de la familiarité, je m'en méfie. C'est-à-dire que, bien sûr que ça me sert d'aiguillon au départ pour aller voir. Et après, je sais très bien que c'est une fausse impression. La différence quand même fondamentale, c'est cet usage de toute la palette émotionnelle, dans la totalité de son intensité, dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que, et en même temps, c'est un usage contrôlé, c'est un usage rationnel d'une certaine façon, c'est un usage ritualisé. Alors bien sûr, tout ce qui est rite peut déborder, ça peut mal se passer. C'est cette idée vraiment d'une humanité pleine, moi, qui me fascine. Et bien sûr, qui est là, sur un plan plus personnel, pour moi, fait contrepoint par rapport à la société dans laquelle j'avais l'impression d'avoir grandi et qui nous amputait de toute une partie de cette existence où il fallait pas montrer ses émotions à tel moment, où c'était malvenu. Alors, évidemment qu'au Moyen-Âge aussi, il y a ce type de registre. Mais c'est vraiment une espèce de partition pleine. On pourrait attribuer d'ailleurs peut-être justement ce renfermement un peu des émotions à la réforme protestante. C'est intéressant parce que toute l'époque dont vous parlez, c'est l'époque prémoderne. Et toute cette palette extraordinaire d'émotions est peut-être aussi liée à un moment où on a moins l'idée justement qu'il faut se cacher de ce qui nous arrive au plus profond de soi-même. Oui, alors si ce n'est que l'histoire des émotions qui est toute jeune, à chaque fois, si je puis dire, qu'elle explore en détail une nouvelle époque, une nouvelle culture, eh bien, remet en cause cette idée selon laquelle il y aurait des périodes de très très fortes restrictions de l'émotion. On change de grammaire. Mais on est dans des logiques de déplacement. Alors certes, il y a un mouvement un peu ondulatoire de flux et de reflux. Mais il n'y a pas une espèce de linéarité, voilà, où à partir de la Renaissance, je ne sais pas, la Réforme, voire la Contre-Réforme, il y a d'autres usages du registre émotionnel, ce qui rend finalement d'autant plus étonnant une certaine modernité, et peut-être, enfin, quand je dis actualité, dont on est peut-être en ce moment en train de sortir, et c'est l'histoire des émotions, elle a pris à la fin du XXe siècle. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est en train de se rendre compte. Oui, de se réintéresser au fort intérieur tout d'un coup. De se réapproprier, alors pas seulement le fort intérieur, mais aussi le fort extérieur. Oui. et peut-être que on a hyper... Enfin, j'en sais rien, mais les cultures plus récentes, notamment depuis la fin du 19e siècle, avec la psychanalyse et autres, peut-être qu'on a hypertrophié le fort intérieur de l'émotion et qu'en contrepoint, on a vraiment atrophié ce fort extérieur, alors que pendant très très longtemps, on était dans des sociétés, mais au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec un équilibre beaucoup plus évident, y compris dans le registre de la rationalité. Cette idée d'une scission entre la raison et l'émotion, qui nous semble parfois comme quelque chose d'absolument évident, en réalité, c'est une construction récente. Au Moyen-Âge, les émotions peuvent être déraisonnables. On s'en méfie à cause de cela. Mais le fait qu'elles soient liées à la raison ne pose absolument pas interrogation. Et alors, vous parlez de certaines émotions en particulier, une qui est la colère. Et avant de vous faire réagir là-dessus, je propose d'écouter un extrait de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Selon l'enseignement d'Aristote, les plaisirs, surtout les plaisirs sensibles et corporels, remédient à la tristesse. Aussi, plus la tristesse et l'anxiété dont ils nous guérissent est profonde, plus le bienfait qu'ils apportent est ressenti. On a plus de plaisir à boire quand on a soif. Or, il est évident, d'après ce que nous avons dit, que le mouvement de la colère est provoqué par un tort qu'on nous a fait et qui nous attriste. C'est à cette tristesse qu'on remédie par la vengeance. C'est pourquoi celle-ci apporte avec elle un plaisir, lui-même d'autant plus grand que la tristesse avait été plus forte. Donc, si la vengeance est présente réellement, il y a plaisir parfait, excluant complètement la tristesse et par là calmant le mouvement de la colère. Mais avant que la vengeance soit présente réellement, elle devient présente d'une double manière à celui qui est en colère. D'abord par l'espoir, car nul ne s'irrite s'il n'espère se venger, comme nous l'avons vu plus haut. Ensuite, par une pensée continuelle. Il est agréable, en effet, à quiconque éprouve un désir, de demeurer dans la pensée de ce qu'il désire. C'est pour cela, d'ailleurs, que les imaginations de nos rêves nous sont agréables. Et donc, quand l'homme irrité se repaît continuellement de la pensée de sa vengeance, il en éprouve du plaisir. Toutefois, ce plaisir n'est pas parfait au point de bannir la tristesse et, par voie de conséquence, la colère. Alors on dit de saint Thomas d'Aquin qu'il est l'auteur du premier traité des passions du Moyen-Âge. Et là, ce qu'on vient d'entendre sur la colère, ça paraît complètement extraordinaire. Oui, vous parliez tout à l'heure de psychologie. Donc là, vous voyez un passage en fait, où, de façon très très étonnante, en fait, Thomas d'Aquin, ici, ne parle pas de péché ou de vertu. La colère, qui est quand même considérée dans le système des péchés comme un des péchés les plus graves. Et là, vous avez un homme qui s'intéresse uniquement à la mécanique psychologique de la colère, en disant, ben oui, ça fait du bien de se mettre en colère. Et effectivement, Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, vous avez eu plus d'une vingtaine de questions qui sont consacrées aux émotions, crée le premier en fait traité vraiment systématique sur la question des émotions, et un traité qui s'intéresse beaucoup à la part psychologique, voire corporelle de l'émotion. Donc pas seulement la dimension proprement morale, mais même si c'est la finalité. Et vous diriez que là, on peut commencer à dire effectivement qu'il y a une naissance de la psychologie telle que nous, on peut la connaître. À écouter ce texte, on a du mal même à croire que c'est Thomas d'Aquin. Peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est la naissance de la psychologie telle que nous, on la connaît. Mais en tout c'est cas, la naissance d'une psychologie dites, systématique. Oui, en dehors de la question du péché et en dehors de la question de la morale. C'est-à-dire juste essayer d'analyser le mécanisme. C'est sûr. Alors, de façon systématique, oui. Et même, alors, c'est plutôt une anthropologie systématique qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est complètement, ça c'est vrai que c'est neuf. L'idée, malgré tout, qu'il y ait une réflexion sur les mouvements de l'âme qui soient un petit peu dissociés systématiquement de la question du péché ou de la vertu existe quand même depuis très très longtemps. Même Augustin, déjà, dans les Confessions, il passe des moments d'abord à comprendre, à se délecter d'ailleurs, à se regarder lui-même dans ses émotions. Et après, bien sûr, il met tout ça dans une logique peut être morale. Mais là, par exemple, chez Thomas d'Aquin, ce qui est fascinant, c'est que, un, il reconnaît à la colère une dimension rationnelle. Oui. Il n'y a pas de colère s'il n'y a pas l'idée d'une offense. Et donc ça veut dire qu'on s'est représenté quelque chose qui nuit à notre réputation, donc il y a une implication rationnelle. C'est comme ça, par exemple, qu'il fait la distinction entre la colère de l'homme et la colère des animaux, hein, pour dire qu'en fait les animaux ont des simulacres de colère, qui sont des colères instinctives, qui n'ont rien à voir avec la colère de l'homme, qui a une dimension rationnelle. Et effectivement, de dire que c'est un mécanisme très très complexe, la colère, puisqu'il y a à la fois une tristesse, vu que vous avez subi une offense. Si vous êtes en colère, c'est que cette offense n'a pas été réparée. Ça, c'est la perspective de la vengeance. Et donc, vous êtes triste tant que la vengeance n'a pas été accomplie. Et il va même jusqu'à dire que le plus grand plaisir dans la colère, c'est quand la vengeance devient effective. Et donc, il y a une tristesse. Mais en même temps, vu que vous anticipez le moment de la vengeance dans la colère, parce que lorsque l'on se met en colère, c'est que on espère obtenir réparation. Et même la colère elle-même est l'acte qui commence à opérer la réparation. Et il dit ça. Il y a une projection. Et ça, ça fait plaisir, nom d'un chien, quoi. Et même, il va parler de, il parle de délectation. Enfin, ce qu'il vise, c'est la délectation. C'est-à-dire, une forme d'émotion qu'on a un petit peu perdue aujourd'hui, si je puis dire. En tout cas, pas dans le même sens. C'est-à-dire que la délectation pour ces auteurs-là, c'est le plaisir que l'on a à anticiper un désir satisfait. On a c'est le plaisir dans le désir. Vous parlez, c'est des passages passionnants sur toutes ces émotions justement dont nous ne parlons plus trop. Il y a la délectation, la componction, l'assédie, la dilection. Comment est-ce que vous expliquez l'effacement de ces émotions ? Ou plutôt la présence de ces émotions au Moyen-Âge et l'absence de ces émotions aujourd'hui ? Peut-être qu'elles ont été renommées. Oui. Alors, il y a là aussi parfois des effets de perspective, c'est-à-dire que c'est pas parce que les émotions sont nommées avec les mêmes termes qu'elles sont familières. Et donc, lorsque des fois on me demande « mais quelles émotions médiévales ont disparu aujourd'hui ?», j'ai toujours envie de répondre « mais elles ont toutes disparu ». À partir du moment où oui. Le contexte est différent, la société est différente. Donc, il faut faire attention aussi, il y a cette précaution de ne pas considérer comme étrange seulement les émotions qui sont nommées différemment et que on ne voit plus très bien. La colère, voilà, est une émotion très, très, très, très étonnante. Par rapport à celles que vous nommez, qui sont très, très liées quand même au contexte chrétien, elles se sont bien sûr progressivement délitées, si je puis dire, à mesure que l'emprise du christianisme se lève un petit peu, notamment sur l'intimité et les consciences. Il y avait un certain nombre de ces émotions comme l'assédie, qui est une espèce de dégoût en Dieu, une forme de dépression, de désespoir. L'assédie est complètement liée au monde monastique. On a l'impression, à vous lire, qu'il y a effectivement beaucoup d'émotions en général au Moyen-Âge qui sont liées au monde monastique et qu'on peut comprendre que à travers le monde monastique. Oui, alors on a parlé du monastère comme laboratoire de l'anthropologie chrétienne des émotions. Alors c'était aussi lié, c'est lié en partie à la formation, à notre formation, à Pirochka et moi. On est plutôt des historiens du christianisme, du religieux à la base. Et puis c'est lié bien sûr à la nature des sources. C'est-à-dire que les auteurs, les lettrés, c'est massivement, pour ne pas dire exclusivement, des gens d'église. Mais c'est aussi une réalité de l'emprise progressive du christianisme comme système, et notamment dans la deuxième moitié du Moyen-Âge. Et d'ailleurs un système qu'il ne faut pas seulement penser en termes religieux, c'est-à-dire que le christianisme, c'est un environnement culturel, social, de civilisation qui déborde bien largement ce que nous, on entend comme religion, c'est-à-dire dans sa forme intériorisée. Alors, avant de se quitter, une dernière question. Quelle est la place des émotions de femmes et des émotions d'hommes? Quelle différence on fait entre les émotions que vivent les femmes et les émotions que vivent les hommes? Alors, très, très, très belle question et très, très vaste, à laquelle il faut répondre en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps il n'y a pas d'émotion spécifiquement féminine ou masculine. Parce que la nature humaine est une. La Genèse dit que Dieu a créé le genre humain masculin et féminin. Et donc, d'un point de vue ontologique, vous ne trouverez pas une espèce de nature, au sens strict, émotive de la femme, complètement différente de celle de l'homme. Mais il n'empêche, que dans l'ordre de la création, en fait c'est un geste qui se passe en deux temps, où Dieu crée d'abord Adam, puis Ève à partir d'Adam, ce qui fait que s'il y a une seule nature humaine, il y a quand même une nature première, celle d'Adam, et une nature seconde, celle d'Ève. Et cela, on va le retrouver dans l'anthropologie des émotions. C'est-à-dire, à la fois, avec cet élément de communauté, les hommes et les femmes utilisent les mêmes émotions, la même palette émotionnelle, mais différemment. Leurs complexions sont différentes, et cette différence se mesure essentiellement, non pas en nature, mais en termes de plus ou de moins. Déjà, les femmes sont plus émotives, alors que les hommes sont plus rationnels. Et puis, les femmes vont être plus sensibles à certaines émotions. Et ça, on le retrouve dans les textes. Ah, ça, on le retrouve absolument partout. Qui vont faire des femmes, par exemple, des individus plus sensibles aux larmes, même si les hommes pleurent beaucoup. Ou alors que l'expression des larmes chez les femmes va être considérée comme féminine, et donc une forme de marque de faiblesse, alors que celle des hommes peut être virile et exprimer une force. Et là aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup dérouté les historiens, c'est-à-dire que les mêmes émotions peuvent être utilisées par les hommes et par les femmes. Et donc on a beaucoup moins qu'à des époques postérieures cette partition où les hommes ne pleurent pas, par exemple. Ça n'a strictement aucun sens au Moyen-Âge de dire « t'es un homme, mon fils, tu pleures pas ». Mais non, tous les hommes pleurent, sauf que l'on demande aux hommes de pleurer virilement. Alors que on ne s'étonne pas que les femmes ne pleurent pas virilement. Alors, en parlant de féminité et virilité, il y a une femme quand même extrêmement virile au Moyen-Âge, c'est Jeanne d'Arc. Pourquoi mettiez-vous votre anneau et le regardiez-vous en allant à l'attaque? Mes pères et mères me l'avaient donné, c'était pour la faire honneur. Ne portiez-vous pas volontiers de belles toilettes, tissus somptueux, draps d'or? L'attribuez au commandement de Dieu, n'est-ce point blasphémé? Je n'ai blasphémé Dieu ni ses saints. Savez-vous si ceux de votre parti ont fait dire des messes et des prières pour vous? S'ils ont prié pour moi, m'est avis qu'ils n'ont pas fait de mal. Ceux de votre parti croient-ils fermement que vous êtes envoyé de par Dieu? Je ne sais s'ils le croient, je m'en attends à leur cœur. Mais s'ils ne le croient pas, pourtant je suis envoyé de par Dieu. Ne saviez-vous pas la pensée de ceux qui vous baisaient les pieds et les mains et vos vêtements? Beaucoup de gens venaient à moi, ils baisaient mes vêtements le moins que je pouvais. Mais les pauvres venaient parce que je ne leur faisais pas de déplaisir. Les bonnes femmes de la ville touchaient-elles leurs anneaux à l'anneau que vous portiez? Beaucoup de femmes ont touché à mes mains et à mes anneaux, mais je ne sais pas leur cœur et intention. Receviez-vous les sacrements en passant dans les villes? Oui. Les receviez-vous en habit d'homme? En habit d'homme, sans armes. Quel âge avait l'enfant que vous avez visité à Lagny? L'enfant avait 3 jours. On la porta sans vie devant l'autel où je priais avec d'autres filles. Ne dit-on pas dans la ville que vous l'aviez ressuscité? Je n'ai pas entendu dire. Let the witch! Let the witch! Alors, on vient d'écouter un extrait du procès de Jeanne d'Arc, le film de Robert Bresson. Il y a cette figure de la sainte guerrière qu'incarne parfaitement Jeanne d'Arc. Et puis, il y a aussi des figures dont vous parlez qui sont extrêmement importantes. Ce sont les mystiques, les femmes mystiques. Oui, et Jeanne d'Arc appartient finalement à cette généalogie. Oui, sous une forme, à sa manière, effectivement. À sa manière, mais vous savez, il y en a d'autres qui avaient une manière quand même très très proche. Et d'ailleurs, ce qu'on va reprocher à Jeanne d'Arc, c'est moins de s'être virilisée que d'être devenue un homme, d'une certaine façon, par le travestissement. Donc l'idée, par exemple, d'une femme qui se virilise par ses émotions peut tout à fait avoir sa place. À partir du moment où elle reste dans sa condition de femme, c'est là où la nuance et la palette est assez complexe. Mais c'est vrai que à partir du XIIIe siècle, on a une multiplicité comme ça de femmes un petit peu exceptionnelles et qui vont user du registre des émotions et notamment des émotions qualifiées de féminines ou en tout cas mises en scène de façon féminine. Pour exister socialement, pour acquérir une forme d'autorité. Et en fait, ce que l'on voit surtout, c'est que c'est moins qu'elles mettent en œuvre leur nature, qu'elles s'approprient un stéréotype que les hommes ont posé, et donc elles investissent en fait une forme d'émotivité qualifiée de féminine, et qui, par la force des choses, il va y avoir un effet d'entraînement, va un petit peu qualifier, du coup, l'identité féminine. Et ça, c'est assez fort à partir du XIIIe siècle, alors qu'au XIIe siècle encore, on est dans un siècle qui est beaucoup plus fluide en termes de genre, entre le masculin et le féminin sur le plan des émotions. Et qui se voit encore beaucoup dans la personne de François d'Assise, qui est un homme, en fait, qui est un homme du XIIe siècle, même s'il a vécu essentiellement au XIIIe siècle. C'est un homme de la culture du XIIe siècle. Donc, c'est un homme qui n'hésite pas à utiliser les larmes comme un outil de gouvernement. Plus on va vers la fin du Moyen-Âge, plus on va quand même vers une espèce de superposition entre le sexe et le genre. C'est-à-dire que on attend de plus en plus, voire exclusivement, que les individus de sexe masculin utilisent presque uniquement le registre viril et les individus de sexe féminin, le registre féminin. Et donc là, il va y avoir une superposition du genre et du sexe, y compris dans les émotions, mais qui n'est pas une permanence de tout le Moyen-Âge. Et c'est vrai qu'on le voit particulièrement avec la différenciation des figures mystiques, puisque la femme mystique, c'est une figure très compassionnelle, c'est la femme qui pleure, alors que l'homme mystique est beaucoup plus associé à l'ascèse, à la prière, seul. Pour vous, ça, c'est un mouvement qui apparaît au XIIIe. Oui, c'est un mouvement qui apparaît au XIIIe. Alors, on trouve des hommes mystiques du XIIIe, XIVe, XVe siècle qui ressemblent très très fort à ce que les femmes présentent. Si ce n'est que c'est un mouvement qui est fabriqué très largement par les hommes. C'est-à-dire que l'image de la femme mystique est d'abord un produit, notamment des clercs. Et ça se voit dans l'écriture des femmes elles-mêmes. On a assez peu d'écrits spirituels et donc très fortement affectifs des femmes. Et on voit que lorsque les femmes écrivent, elles s'épanchent beaucoup moins que les images de mystiques qui sont racontées par les hommes. Et donc là, on voit vraiment que, à la base, en fait, on a un modèle de spiritualité affective qui est partagé, qui est commun aux hommes et aux femmes, et que ce sont les clercs, les hommes, qui fabriquent une espèce de moule un peu spécifique pour les femmes, et celles-ci, parfois, se l'approprient. C'est-à-dire que ça devient, de la part des femmes elles-mêmes, elles sont beaucoup moins, d'ailleurs, dans une logique de résistance que dans une logique d'appropriation. Et donc, de conquête, d'une certaine façon, d'une autorité, par cette voie qu'on leur laisse. Ce qu'on comprend donc, c'est que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre du Moyen-Âge, et c'est pour ça qu'il faut se passionner pour l'époque médiévale. Cher Damien Bocquet, merci encore pour ce passionnant entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Piroche Canavi, de Sensible Moyen-Âge, une histoire des émotions dans l'Occident médiéval, paru aux éditions du Seuil. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nos pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, et les pièces à dévorer et pourrir. Et nous, les eaux de venons, cendres et poudre, de notre mal, personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères vous clamant, point n'en devez avoir dédain, quoique fûmes soxis par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens facile. Excusez-nous, puisque sommes transis, envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, amène-nous à vie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. On vient d'écouter la ballade des pendus de François Villon, chantée par Serge Reggiani. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Isis Jourda, qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi que Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert et Alexandra Candilonguet et Nicolas Berger à la réalisation. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Élise Leu. Demain, vous retrouverez Adèle Vanrette pour Les Chemins du Vendredi qui vous propose chaque semaine des grands entretiens avec ceux qui font vivre la philosophie aujourd'hui. Demain, Adèle Vanrette sera en compagnie de la philosophe Claudine Tiercelin. D'ici là, restez à l'écoute.